1, 2. Yo, 1, 2, back in the groove. Fucking like it's something to prove. From the stomach like it's something to lose. Keep it moving, stepping into the new. Exceptional too. Intellectual boo for definite cue. Look around, yo, I know you can see the sun up. Where I come from, we don't run from no one. Roll up, then blow one, and post up like a show up. Stashing my key underneath the passenger seat. Demeanor is sweet. Don't mistake it though, I'm here for the eats. Hearing the beats and rumble from the hustler street. You can see I keep the movement in sync. Blink twice, got no time to say please. Average MCs that live on their knees should know what it means in terms to succeed. It must be the Maybelline. Made you think I slipped, but my grip is just as tight as it's ever been. The pocket's my residence, and saying who better than, like that shit could determine my wins. Get up off it, I never fall off, always a boss, I call shots. Still a peep-pop on a handstand, make your man stand stiff. Damn it, to skip, the standards I flip, demanded percent, off the rib. Talk shit, and still walk with a big stick, spit it without smudging my lipstick. Who is this bitch? Your mama, baby, show some respect. I got the now and the next, and it's my lightweight flex. Who want test? Who want test? I got the now and the next, and it's my lightweight flex. Who want test? Who want test? Yo, yo, yo, yo. In case you didn't know, I be styling just for show. In case you didn't know, I got rhymes like this to go. In case you didn't know, as your partner. In case you didn't know, I got rhymes like this to go. In case you didn't know, as your boy as them, they know now. Act like you know now. Tu rêves encore. En venant ici, j'ai traversé la mer. Du coup, je me rappelle de ce qui s'est passé sur la mer. En venant, on était nombreux sur un Zodiac. Et du coup, on a été sauvés par la Croix-Rouge. Ça, c'est en vrai. Et donc, quand on est arrivé en Espagne, le troisième jour, parce qu'on était très, très fatigués, donc du coup, toute la journée, moi, j'ai dormi. Et c'est là, ce rêve-là, il s'est passé en pleine journée. Les mêmes actions qui se sont passées sur la mer me sont venues dans le rêve. On était toujours sur le même Zodiac, on s'est perdu et tout le monde pleurait. Tout le monde disait, oui, c'est fini pour nous, on va mourir. On a voulu l'Eldorado, mais là, franchement, c'est le cauchemar. Et moi, j'ai perdu ma mère depuis à l'âge de 3 ans. Et là, dans le rêve, j'ai vu qu'en pleurant sur le Zodiac, j'ai vu ma mère en face de moi qui me consolait. Et elle n'était pas dans le Zodiac, comme si elle était un peu suspendue en haut comme ça. Et elle me parlait, qui me disait, t'inquiète pas mon fils, tu vas pas mourir, tu vas arriver en destination, Dieu avec toi. Je t'aime beaucoup mon fils. J'ai vu cette femme que je n'avais jamais vue dans mon enfance que sur des photos. Et au moment où j'allais dire, maman, amène-moi avec toi, et là encore je me suis réveillée. Nova? Ce rêve, il m'a donné beaucoup de motivation. En la voyant, je me suis dit, si réellement elle était en vie, j'aimerais pouvoir me battre pour la rendre heureuse. Pour que tu rêves encore. Nova. Nova. Le matin, l'après-midi, fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi, ça fait du bien. With a brick on the sand. come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on the airplane. Born in a home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Take a